une ambiance à gogo. Nouveau gon suit les flots. C'est le temps de l'apéro. Le bonheur à fleur de peau. Samba, by Africa, Forza Brasilia. Ah.